Salut, c'est Éric Lafontaine et Maxime Paiement du Dernier des podcasts, le John McClane de la balado-diffusion au Québec. Et vous écoutez Les Accros des Jeux avec Big Ben, Antithèse, Retro Gamer PQ et Marie-Lune. Les Accros des Jeux, le top 1 podcast avec un squelette pis une manette de NES dans le logo. Twitter? I'm on it already. Ok, on passe ça dans 5 secondes. Salut les accros, c'est Big Ben. Et Antithèse. Retro Gamer PQ. Pis moi là? Marie-Lune? Marie-Lune, moi j'attends tout le temps après testeur Alpha juste pour être sûr de mon coup. Non, Marie. J'avais dit la dernière fois, c'était moi le dernier. Fait que moi j'attendais à vrai droit là. Désolé. C'est correct. Pour le podcast des accros, édition du 15 avril 2013. Mais on n'est pas tout seul aujourd'hui. On a un invité spécial avec nous pour passer le podcast avec nous autres. C'est... Bon, monsieur dit que c'est le directeur général du Geekfest. Moi, je l'appelle le président directeur général du Geekfest. Et donc, le big boss, le big shot du Geekfest. Monsieur JP Cardin qui est avec nous. Salut, JP. Salut. Alors, grosse fin de semaine pour tous les accros, je pense, sauf Retro Gamer. Ouais. Oui, Retro est dans un bel état, première des choses. Oui, bon, ceux qui peuvent pas nous voir, qui nous écoutent en version audio, on voit qu'il est rendu très, très squelettique. Ouais. Sûrement dû à la prise de médicaments et d'alcool. Il commence à faire sa déchéance ces temps-ci, là. C'est assez quelque chose. Comment ça va? Comment s'est passé votre dernière semaine, tout le monde? Ouf. À part les problèmes personnels. Ça, on n'en parle pas au podcast, man. Non, on parle pas au podcast, c'est vraiment ce que j'allais dire. C'est assez virevoltant, je dois avouer. Courir à gauche à droite pour obtenir des réponses. Sur son futur. Ah! Non, c'est beaucoup. Non, c'est du God of War 3 avec sa copine Trinity, du Castlevania Lord of Shadows, finir Castlevania Lord of Shadows 2 Mirror of Fate qui a un très bon punch, qui me donne le goût d'avoir hâte à Castlevania Lord of Shadows 2. Je ne dis pas sur la peine, mais je peux vous dire que ça en vaut la peine. Ok. Retro, toi de ton côté, comment ça se passe ces temps-ci? Je suis très occupé dans d'autres projets autres que les jeux vidéo. Notamment, je suis en train d'animer un épisode de l'ancienne série Transformers qui n'a jamais été animé. Avec un groupe de personnes, donc ça m'occupe pas mal. Puis c'est ça, là. J'ai joué à Luigi's Mansion 2, puis j'ai fini Lords of Shadows, Mirror of Fate, puis c'est ça. Ok, donc t'es en train de nous parler que tu fais un projet d'animation sur un script des Transformers que t'as jamais fait? C'est ça. Oh, intéressant. De l'ancien cartoon, fait qu'on fait un cartoon genre de 10-20 minutes là, pour représenter cet épisode-là. Oh, intéressant, tu nous tiendras au courant. On est pas mal une grosse gang de geeks qui aiment bien ça. Regardez avec ça. Testeur Alpha, toi, ton côté? Ben moi j'ai eu une grosse semaine là, c'était super chargé, fallait que je me cédule avec mon collègue Beta pour que tout soit prêt en fin de semaine pour le Geekfest. Mais bon, on a réussi, tout a été super bien, fait que ça en a valu largement la peine. Oui, t'as rencontré quelques fans, t'as surtout permis à des gens de te connaître. Ben oui, c'est pour ça qu'on était là. Puis aussi, pour les fans qui voulaient nous voir, on s'est fait demander quelques photos, fait que bon, c'est le fun. Oui, la plupart sont en plus, les photos, si jamais vous voulez les voir, sont sur la page Facebook de Testeur Alpha. Alors, ça vous tente de les voir. C'est les premiers fans qui ont été le voir, c'est vraiment cool. Et ben, nous autres, toi Marie, de ton côté? Très chargé aussi de mon côté. Pour ceux qui ne le savaient pas, moi, en plus, samedi, en plus de la conférence, ben, j'avais rendez-vous avec quelqu'un pour une entrevue que je ne vous dévoilerai pas c'est qui. Oh. Donc, que vous allez sûrement voir au courant de la semaine d'ailleurs, parce que c'est en plein montage. C'est qui? Un youtubeur québécois, mais je peux pas en dire plus. Okay. Moi je le sais. C'est moi! Non, c'est pas moi. Non! Là, t'étais pas mal occupé, rétro. Puis, t'étais à Québec. T'étais pas au GeekFest. Et là, aujourd'hui, notre tâche à nous tous, c'est de te convaincre de te descendre à la prochaine année. Ouais. Ok, c'est un rendez-vous l'année prochaine, je vais y aller. Ben, bon, ça va être compliqué, le show est annulé, c'est bon. Mais on va jaser du GeekFest avec JP. Je vais juste te dire rapidement ce que j'ai fait, moi, de mon côté. J'ai finalement fini Mass Effect 1, sur la version PlayStation 3. Ah, mais c'est la deuxième fois que je fais le tour, là. Deuxième fois que je fais le tour, mais je l'ai fait sur PlayStation 3. J'ai bien aimé mon expérience, mais il y a beaucoup, beaucoup de freeze sur la version PlayStation 3. C'est ce que j'ai pas apprécié. Ça a bugué plus souvent que la version Xbox 360. Mais là, je vais embarquer dans le 2 dans pas long. D'ici là, j'ai également... Ben, je me suis tapé des games de Turok au 64. Oui, le bon vieux Turok où je tue des dinosaures à coups de flèche. Dans le temps où l'arc, c'était pas aussi populaire qu'à cette heure. Et sinon, à part ça, c'est assez tranquille. Là, on va se préparer pour la semaine prochaine pour le podcast des accros de l'anime. On a le... Mon ami Totoro, faut qu'on écoute, alors... Ah que oui, j'ai hâte, là! Alors, ça va se faire d'ici cette semaine, donc faut voir qu'on écoute le film. Mmh. Sinon, toi, JP, de ton côté, ça a été extrêmement chargé, je pense? Ouais, disons que... Tu t'en rends juste compte... le vendredi avant l'événement. Ben, en fait, la journée avant que ça commence, c'est là que ça déboule tout, parce que... Comme quelqu'un, un de mes collègues me faisait réaliser, avant ça, là, c'est tout dans ta tête. C'est tout un, dans l'esprit collectif. C'est pas encore physique. C'est vraiment la journée avant où on commence à faire le setup que là, c'est. Tu réalises là, t'es dedans. Là, c'est plus des jokes. Là. There's no backing out. C'est ça, tu peux pas reculer, tu peux pas dire ah oh, fuck, je laisse faire là. Non, là, t'es dedans, pis tu peux pas t'en aller là. Non, c'est ça. Mais sinon, disons que mes nerfs étaient assez agités. Mais en fin de compte, disons que voir tous ces sourires là, ça m'a. Durant la fin de semaine, ça m'a fait plaisir. Ça m'a. Disons que passer 3 heures d'après-midi, là, quand je me suis rendu compte que le GeekFest allait très bien. J'étais beaucoup moins nerveux, là, pis c'était smooth sailing from there, comme on dit. C'est cool, ça. On va parler du GeekFest en dernière partie de l'émission, si ça te dérange pas. On va passer dans notre segment nouvelle, afin de pouvoir finalement... on voit-tu ta blonde en ce moment? Parce que là, on voit deux crânes, là. Oh, c'est beau l'amour, hein? Entre deux crânes! pour ceux qui nous écoutent en version audio, on voit depuis tantôt, Retro Gamer se faisait plaisir de transformer ses têtes de crâne en sa face à lui-même. Alors, ouais. Alors, c'était pour nous taquiner. Et là, on va embarquer dans l'autre partie de l'épisode où on jase de nouvelles. Première nouvelle, ce qui est, on a eu plusieurs nouvelles par rapport à Montréal, à ce qui a trait au studio de jeux vidéo. On a su que Batman, le nouveau Batman va être fait. Warner Brothers Montréal. On a su ça en fin de semaine, c'est vraiment cool. Je pensais que t'allais dire IW. IW, oui! And I'm drinking root beer. oui, c'est ça, c'est Warner Brothers qui va s'occuper de Montréal, qui va s'occuper de la production du prochain jeu de Batman, où on va connaître les jeunes années de Batman lorsqu'il couvrait la ville de Gotham. Et vraiment, ça sera pas comme dans Arkham ou dans Arkham City, c'est vraiment Gotham City qu'on va se promener. Donc la carte, j'imagine, va être un petit peu plus grande encore. Et on va pouvoir... on n'a pas beaucoup de nouvelles, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai dévoré le premier Batman cette semaine aussi. Alors, j'ai hâte de pouvoir embarquer là-dedans. Et si vous avez la chance, le 2, là, sur Xbox en ce moment, si vous allez à la source, le 2 édition Game of the Year, il est 18$. Ouais, pas très cher. Alors, c'est un excellent jeu. Sinon, à part ça, une fermeture d'un autre studio à Montréal par nos amis de EA, comme on a dit dans notre rencontre au GeekFest. Cette fois-ci, c'est le studio qui s'occupait des petits jeux pour forme Android. Et Android et iTunes, alors tout ce qui est jeux de poche. Alors, c'est dommage qu'il y ait d'autres emplois qui se partent de Montréal. C'est vraiment dommage. Sinon, à part ça, on a eu des nouvelles par rapport au nouveau... on a eu des images du nouveau Neverwinter Night qui va être en ligne. Toi, Rétro, je sais que tu es un fan, mais tu jouais beaucoup à Donjons et Dragons auparavant. Ouais, t'es portable. Tu étais par ça? Pas vraiment. Pas vraiment? Pourquoi? Ben, parce que Donjons sur table et jeux vidéo, c'est pas pareil. Ok. Mais la série Neverwinter Night, t'as pas vraiment aimé ça? Ben, j'ai pas vraiment joué vraiment, puis ça m'attire pas plus qu'il faut. J'aimais bien Baldur's Gate, là. Ok. Mais même là, je trouvais ça compliqué pour un jeu vidéo, là, les règles, le donjon, tout. Ok, ok. Fait que ça s'applique plus à la table selon toi que dans le jeu vidéo. Moi, je pense que oui. Okay. Pas la même ambiance quand t'as un Game Master devant toi et les joueurs, c'est pas la même affaire. Ok. Fait que c'est cool. Sinon, en passant, on a eu des nouvelles par rapport au jeu de... Moi, vous savez, je suis un fan de Shadowrun. Je DM de Shadowrun depuis quelques années. Et on a eu des images et des nouvelles par rapport au nouveau jeu de Shadowrun qui devrait sortir au mois de juin. Et également, lors de ce jeu-là, les précommandes sur Steam vont commencer au mois d'avril. Moi, je vous conseille fortement d'aller voir les images qui sont apparues sur YouTube du gameplay. Ça a l'air très très intéressant, surtout si vous aimez les jeux du style RPG comme Baldur's Gate. Ça va être probablement un de vos jeux que vous allez vouloir jouer parce que ça a l'air très très intéressant. Sérieusement, là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Sinon, pas ça, on a des nouvelles par rapport à... Excusez-moi. Batman, ça j'en ai parlé. Si vous avez Rock Band, je sais pas si entre vous autres vous en avez. Moi j'aime bien ça, sincèrement là. Mm-hmm. C'est différent. Ouais. C'est le temps. En ce moment là, c'est le temps d'acheter des chansons parce que les chansons commencent à disparaître du magasin. Donc si tu veux t'acheter des chansons, c'est dans pas long parce que sinon la plupart du catalogue il commence à disparaître dans pas long. Fait que c'est le meilleur temps d'en télécharger. Malheureusement. C'est noté. C'est noté. Il a dit Rock Band et non Rock Smith. Non, Rock Band. C'est vraiment Rock Band qui sont en train d'enlever les tunes, là, ces temps-ci. Sinon, pas ça, rapidement, est-ce que vous autres avez des nouvelles de votre côté? Ben, moi, j'ai lu dans le Journal de Montréal, dans le secteur technologique, NEC, NFC, vont sortir son téléphone avec deux écrans. Oui, j'ai vu ça, un nouveau téléphone cellulaire où ça a l'apparence d'un téléphone normal lorsqu'il s'est fermé, mais lorsque tu l'ouvres, c'est vraiment deux écrans. C'est spécial, pareil. Oui, j'ai hâte de voir ça. C'est un peu trop, rendu là. Ben, tant qu'à ça, puis le nouveau téléphone, tu te souviens de on jasait à Cajou Sport, là, que l'écran est aussi gros qu'une tablette, quasiment, là? Oui, exactement. Quand t'es rendu à un téléphone qui a un écran de 6 pouces, là... Mm-hmm. C'est là que tu te demandes, ok, la gros... on vient à, dans pas long, on va venir à la mode de la grosse brique à côté de l'oreille. Là. Non, c'est ça. Dans Grand Theft Auto, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est comme. Ben bon, j'ai pas connu ce temps-là, j'ai plus connu le temps où on avait les premiers téléphones quasiment en noir, là, où ça ressemblait quasiment au téléphone de la Matrice. Là. Ouais, c'est ça. J'ai toujours voulu avoir un téléphone de la Matrice, puis j'en trouvais pas. Bonne chance. Je sais que ça existe. Ton poche. Ça aurait été là. Est-ce que ça jase en ce moment sur Twitter ou sur YouTube? Moi, je viens sur Twitter encore. C'est bien canne. Du côté de YouTube, j'ai Agonizing Sam, Jizozi qui dit salut, puis TJ55 qui nous dit salut. Donc, tout le monde! Salut! Et Tester Alpha aussi, mais on le sait déjà ça. Fait salut! Il est pas mal de notre côté en ce moment. Alors, salut tout le monde, et bienvenue à ce podcast. Alors, j'espère que vous allez avoir du fun avec nous autres pour aujourd'hui. Je pense qu'on va embarquer directement dans le sujet du Geekfest. Veux pas, on a quand même un invité qui nous attend pour aujourd'hui de ça. JP, peux-tu nous parler un petit peu de la préparation? Comment t'as voulu sortir l'idée du Geekfest 2013? Moi, au départ, ce que je voulais faire, parce que moi, j'avais déjà, parce qu'on s'entend que le Geekfest, c'était quelque chose qui existait déjà, donc j'ai pris quelque chose, tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai créé de A à Z. C'est sûr, cette année, je l'ai dirigé de A à Z, mais j'ai pas... Pourtant, fait que je voulais être sûr que ça garde son identité, mais en même temps, je voulais... parce que ce qui arrive, c'est que Geekfest, quand on commençait ça, il y avait jamais fait de convention avant. Fait que c'était une gang avec des idées fraîches, des idées nouvelles, parce que ça avait... Il n'y avait pas de modèle qui avait été établi. Fait que moi, ce que je voulais faire, c'était faire un mélange entre ce que j'ai pu voir ailleurs, les conventions d'Ontario ou les conventions de Québec, et appliquer la touche Geekfest et rendre ça... rendre ça accueillant pour... et créer un nid pour la communauté de geeks à Montréal. Le temps de préparation, ça a été, est-ce que ça a été long de faire le Geek Fest? On a rushé. On a fait ça. On a eu un an pour créer une équipe pour voir si. Pour se tester avec des petits geekotons qu'on a fait, des petites activités. Je dirais que l'organisation, on a. Ça a pris à peu près 3-4 mois. Là. On s'est pris un petit peu de cours, mais. On s'en est bien sorti, puis je dirais que on est tous sortis plus fort. Toute mon équipe est encore super motivée, puis ils veulent continuer à faire ça pour l'année prochaine. Nice. Donc c'est une expérience très très très positive pour tout le monde. Est-ce que tu as des chiffres de cette année, Cassie? Que tu peux nous dire par rapport à l'achalandage est-ce que c'est au-dessus ou à peu près est-ce que tu t'attendais totalement au-dessus que je m'attendais. Moi, ça peut paraître un peu dark, mais quelque chose que je me disais, c'est hope for the best but expect for the worst. Ouais. Dans Camille aussi. Mais ça a été totalement au-dessus de nos attentes. On a été vraiment flabbergassés voir que le monde a répondu aussi ardemment à notre appel. Donc, c'est très encourageant pour nous autres. Mais on a reçu à peu près, je dirais, près de 450 personnes. Wow. Et t'en attendais combien à peu près? 250. On était un peu plus que le double de ce qu'on attendait. Là. C'est vraiment bon. Faut dire que vers la fin, je commençais à regarder ça, je regardais les chiffres de pré-vente. Puis je commençais à voir, OK, bon, le monde commence à acheter des billets comme... Là, je regarde, parce que moi, j'ai comme PayPal sur mon iPhone. Puis là, je voyais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète un billet, whoop. Là, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis souvent, à la fin, on a vendu 105 pré-ventes. Fait vers la dernière semaine, là, je commençais à capoter un peu parce que... C'est là que je me rendais compte, oups, là, ma plus grosse inquiétude, c'est que je savais que l'hôtel, en fait, parce que je connais cet hôtel-là comme le fond de ma poche. Ben, il est pas bien grand. C'est ça. Mais ce qui arrive, c'est que moi, j'avais peur qu'on se marche les pieds. J'avais peur que l'hôtel soit trop petit pour la quantité de gens qui allaient arriver. Parce qu'on était pris une espèce de nexus où ce qu'on voulait pas être trop gros cette année parce qu'on était limité par l'espace, mais en même temps on voulait pas attirer 4 personnes puis c'est juste un milieu que je trouve qu'on a vraiment réussi à atteindre. Fait que c'était une expérience très intéressante. Est-ce que tu t'attendais à avoir des bonnes critiques ou des mauvaises critiques des gens qui sont venus? Moi, je m'attendais... c'est sûr que... Encore là, c'est dur à dire. Parce que c'est sûr que nous autres, on travaille super fort, fait qu'on veut entendre des bonnes critiques, on veut faire dire merci. Puis, mais j'ai eu absolument À part peut-être pour des retards au niveau de la programmation que... Ce qui est normal, là. Ce qui est normal, regarde, ça arrive dans toutes les conventions, puis j'ai vu bien pire ailleurs. À part de ça, j'ai eu aucun... En fait, ce qui est drôle, c'est... à la fin de la convention, c'est ramassé moi, gros joueur, puis tout le monde du douteux dans la salle, en bas, en train de boire de la bière. Puis, il y a mon collègue Dale qui a dit, « Ouais, ben, c'est ça, ça a bien été, mais on a eu des petits bugs à régler, puis, tu sais, sinon, c'est ça, là. » Là, il y a Samia Graff qui a regardé Dale, c'est « Quel problème? » Dale a fait « exactement ce que je voulais entendre. » Fait que toi, tes bons côtés que tu pourrais donner cette année par rapport au GeekFest, qu'est-ce que tu penses qui a super bien tout marché et que ça va marcher l'année prochaine? Que tu c'est une drôle de question à poser au gars qui a vu, à part c'est sûr, certains de mes volontaires qui ont vu encore moins de shows que moi. J'ai pas eu l'occasion de voir grand chose. J'étais occupé à courir un peu partout. Je sais que le pixel, tout ce qui était pixel art, ça a fonctionné. Guiz était... Vraiment ouais. Bien. C'est duré une heure, puis je pense que ça a duré 2h30, 3h à peu près. Ouais. Honnêtement, je pense que Guiz était une des personnes idéales pour ça. Je veux dire, il a un charisme incroyable. Il fait des bons vidéos sur YouTube, parce que vous l'avez tout déjà vu. Fait que ça, c'était génial. La mascarade, moi, c'était un de mes high points. Je suis pas quelqu'un qui voit généralement des mascarades d'inconvention. Mais. Moi, j'ai juste eu le temps d'ouvrir la porte puis de voir la salle pleine. En tant qu'organisateur, Parce que c'est un des petits moments où j'ai commencé à réaliser que ouais, ça marche. Là. Sinon, ça, par rapport à un temps, par rapport à la mascarade, on s'attendait à 7-8 entrées. On a une quinzaine de gens qui sont passés à la mascarade. Ce qui est très bon. Ce qui est un très bon ratio. Ça a donné un bon show. Je tiens à féliciter d'ailleurs Ingrid qui a. Tu sais, moi, j'ai enfin. Après toutes ces années à tourner autour des conventions, moi, cette année, j'ai réalisé j'ai été directeur de ma première convention générale. Ingrid, encore un peu comme moi, a tourné autour du monde du cosplay pendant des années. Puis là, c'était sa première année en tant que directrice de mascarade, puis elle a un succès retentissant, donc je tiens à la féliciter aussi. C'est bon. Pour ce qui est des choses à arranger, qu'est-ce que tu aurais toi à arranger selon toi pour la prochaine édition? Ou ce que tu voudrais améliorer? Merci. C'est sûr que avoir une meilleure programmation, là, c'est sûr. Essayer de trouver des invités intéressants, là, c'est sûr. On s'entend qu'une convention, ça va toujours. Ouais, mais on était là, nous autres, tu sais. On était nous autres, là, tu sais. C'est sûr que, tu sais, si. Je pense à. Parce que moi, on va y aller à partir du début. C'est sûr que nous autres, on est tous du monde qui ont appris à runner les conventions cette année. C'était un school convention pour nous autres, là. OK. On a appris justement qu'il fallait donner vraiment quelqu'un, deux personnes qui s'occupent de gérer la programmation, de s'assurer que les fans ont fini à temps, donner un buffer entre certains événements. C'est la logistique standard, je veux dire. Ben, ton buffer était bon, hein? Tu m'as envoyé Dale dans mon panel, puis je fais comme « OK! » Il est quand même imposant. Dale, si vous ne l'avez pas rencontré, c'est un gars à peu près 6 pieds 3, 6 pieds 4. Ah, c'est un petit peu moins, il me semble. C'est peut-être toi qui le dis aussi, là. Ouais, mais je suis... Mais... Cassé! C'est le genre de gars qui arrive. Moi, je le voyais parce que j'avais ma tablette devant moi. J'étais comme, OK, il me reste 15 minutes. Faut que je fasse ça plus vite. Non, ce qui arrive, c'est que Dale a un veston. C'est ça, sa touche magique, c'est son veston. Non, mais il avait pas de veston, il était juste en t-shirt, mec. Il était juste en t-shirt. T'es en t-shirt? Ah, c'est pas d'habitude, il a toujours son veston, celui. Mais bon. Mais non, sinon, à part de ça, je veux dire, quelque chose à améliorer, c'est vraiment juste à continuer à, je veux dire, à améliorer la programmation. Honnêtement, c'est dur à dire. Moi, j'attends la semaine prochaine, je vais faire un post-mortem avec mon équipe, puis c'est eux autres qui vont toutes me faire la liste de ce qui a été mal été de la barre, puis qui m'ont pas dit pendant l'événement, tu sais. Faut pas trop stresser. Ouais, entre autres, ou juste parce que j'étais pas là. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que je peux pas être partout en même temps. Fait qu'il arrive quelque chose, puis ah, il est où JP? Fait que soit que j'étais à un banal, ou soit que j'étais ailleurs. Là, ils prennent une décision sur le spot, puis c'est parce que c'est du monde que je trosse. Fait que moi, ça me dérange pas personnellement, mais en même temps. Oscar. Ok. avant d'aller avec l'appréciation de chacun des accros, est-ce qu'on a du monde qui nous jase sur Twitter ou sur YouTube? Ouais. Ça pose quelques questions, mais ça n'a pas lié nécessairement avec le podcast comme tel. Fait que j'essaie de répondre au fur et à mesure. Donc, il y a quelqu'un qui veut s'ajouter à l'équipe des accros. Donc, je propose ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Et voilà. Oh, oui. Puis, écoute, au pire, on va répondre à ces questions-là à la fin. Parce qu'on va vraiment donner un temps au Geekfest pour. Vu que c'est quand même un gros événement qu'on a participé, on veut donner notre appréciation, puis inciter en même temps Retro Gamer à descendre l'année prochaine. Il me regarde avec des grands yeux, comme ouais, c'est ça. Mais, Retro, t'as vraiment manqué de quoi? Non, descends le point, t'as vraiment manqué de quoi? C'était vraiment super intéressant, sérieusement, là. T'as manqué quelque chose de très, en fait, très fun. Si je peux vous poser une question, oui, par rapport au Geekfest. Ouais. Est-ce que vous êtes. Il y a un panneau que j'ai voulu voir, mais que j'ai pas eu l'occasion de voir. Lequel? Celui sur les jeux indépendants. J'ai pas eu la chance d'aller le voir. C'est pas, il y a personne qui a eu le temps d'aller le voir? Non, malheureusement. Nous? Non. J'étais derrière ma table. Je pense qu'on était parti manger à ce moment-là, malheureusement. C'est ça que c'est arrivé. Je pense que c'est ça. Avant votre panneau, en fait. Je suis pas sûr. En tout cas, toi, je retourne voir, mais. Le Takulange? Et pas juste. Ouais, c'est ça. Nous autres, on était là à l'Otakulange pour Alex. Ouais. Parce que nous, on y a fait une offre de lui prêter notre équipement. Mais ça, en passant à PL et à Trinity de nous avoir aidé avec l'équipement, c'est vraiment merci, grâce à c'était eux. C'était vraiment super, super apprécié. Si on a bien sonné, c'est à cause de lui. C'est à cause de ces deux-là. Oups, pendant bien sonné, on a. Non, c'est bon. Il y a l'espace d'un temps. Ah, ok. Fait que je vais commencer d'abord avec Tester Alpha parce que lui a vécu la convention un petit peu plus différemment de la nôtre. Il a été en tant que personne ayant sa table de vente et de présentation. Tester, parle-nous un petit peu de ta journée, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ben moi là, first, je vais dire que c'était ma première convention à vie. Non seulement j'étais jamais allé visiter une convention, mais là, en plus, je présentais pour ma première convention. Puis en plus, j'avais un panel à faire avec toutes vous autres, une fois, pour ma première convention. Fait que le stress était assez haut quand même. Puis la journée a commencé de bonne heure, on s'est levé de bonne heure pour être à Montréal de bonne heure, tout soit prêt, bref. On était un peu stressés, mais aussitôt rentré dans l'hôtel, j'ai rencontré les gens qui ont organisé le Geekfest. Et puis, tout de suite, ça m'a déstressé. Tout le monde était super souriant, super gentil. Ils m'ont indiqué où aller pour faire ma table. J'ai monté ma table. Les gens sont venus me voir. Bref, ça a super bien commencé la journée. Puis ensuite, les visiteurs sont entrés. Les gens étaient réceptifs. Oui, bref, pour ce qui était de la partie visiteurs qui viennent à ma table, c'était génial aussi. Donc, Est-ce que tu as vu beaucoup de monde qui ont passé à ta table? Oui, sincèrement, oui. On regardait les gens rentrer, puis tu sais, habituellement, les gens faisaient le tour. Et puis, oui, les gens s'arrêtaient à notre table. Puis là, c'est certain que là, il faut les apostropher pour qu'ils s'intéressent à ce que tu fais, mais... on le faisait, et puis on avait des bons commentaires, on avait du bon feedback. Fait que, pour ma part, j'ai trouvé que c'était tout à fait réussi. Est-ce que tu as apprécié la salle, l'emplacement, comment c'était bien situé ou... Ouais, c'était cool. Moi, j'ai trouvé que pour la grosseur de l'événement, c'était juste correct. C'est comme JP disait, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, c'est juste parfait. Peut-être la seule petite affaire, puis ça, c'est vraiment si je cherche les bébites, là. Le corridor, étant donné qu'il y avait bien du monde qui se ramassait là, des fois, c'était dur de passer, mais c'est tout. C'est pas mais un gros pas... problème, là. Je sais pas si t'as remarqué, mais on t'a mis dans une section plus jeux vidéo aussi, là. On t'a mis à côté de développeur de jeux. Ouais, c'est ouais, ouais. Ah oui, d'agencer ça pour sa fit avec les différents vendeurs. Fait. C'est vrai, il y avait un développeur de jeux vidéo à côté de moi. Oui, on s'est bien entendu pour ça. Est-ce que t'as eu des feedbacks des vendeurs, JP? Qu'est-ce que... Pas encore, je veux dire, je pense que il y a Goblin qui me dit que c'était l'entra Goblin qui m'a dit que c'était bien. Je veux dire, elle, je la connais depuis longtemps, là, fait qu'on est. Oui, elle est pas mal connue à Montréal, hein, faut se le dire. Là. Chercher les cheveux roses. Elle est investie, Goblin. Ah oui. T'sais, Marie, ça s'en d'aller la voir en plus dans pas long. Là. Ouais, ah. Si vous voulez me voir avec un Goblin cosplay. Mais ça, comme j'allais plugger Goblin, là, mais c'est elle qui a fait mon uniforme là, que vous avez pu voir en fin de semaine. Là. Ça a été un gros projet pour moi et elle. Là, fait que... C'est ça, j'ai une grande appréciation pour elle. À part de ça, sinon, j'ai pas eu d'autres commentaires jusqu'à date. Là. Je pense que tout le monde est en train de revenir à la vie normale présentement. OK. Je vais y aller du côté d'Antithèse. Toi, de ton côté, comment tu as apprécié l'événement? Adoré. Mais je pense qu'en temps, j'ai été capable d'adorer l'événement par le fait que j'avais pas eu de grosses attentes. J'ai un petit peu adhéré dans la même ligne de pensée que JP. C'est pas tant des chances de coureur, mais c'est pas non plus me créer trop de grosses attentes pour être déçu à la fin. Et c'est en fait tout le contraire qui s'est passé. J'ai bien aimé les trucs de steampunk, j'ai bien aimé les affaires plus gothiques. Je suis content que ça allait marcher pour la table de Tesseur Alpha. J'étais checké gros joueur qui avait un beau setup d'une manette géante Nintendo et de tournoi de Bomberman et de la possibilité de jouer à Ninja Turtles in Time version arcade. C'est juste plate que les accros n'ont pas pu avoir cette chance de jouer les quatre à cet arcade-là. Mais qui sait, peut-être l'an prochain. Mais on sait jamais. Si GeekFest réussit à avoir plus qu'une journée l'année prochaine, ça va peut-être nous donner plus de chances aussi. Peut-être. Bon, en même temps, j'en ai parlé à Mac Québec. L'année prochaine, moi, parce que comme je veux dire, cette opinion ne reflète que ma vision personnelle des choses. Et n'implique aucunement mon équipe. Mais je vise encore une journée pour l'année prochaine. Question de vraiment... parce qu'on s'entend, louer une place, ça coûte cher. Oui. Il faut que j'aie le revenu qui justifie de prendre deux journées. C'est le fun d'avoir la programmation, mais si c'est le même monde qui vient les deux journées, puis ça fait juste payer ta première journée, t'es dans le jour pour la deuxième journée. C'est pas mieux. Mais ce que j'ai à dire, c'est continuer à nous encourager, puis c'est sûr qu'éventuellement, on va devoir passer à deux jours. Forcez-nous. Mon grand coup de cœur du GeekFest a été la dernière chose que j'ai été voir avant de malheureusement quitter. Ça a été le Ace Attorney Con Turnabout, qui était un très hilarant reconstruction des Ace Attorney et dans l'épisode, si on veut, dans cette pièce de théâtre-là, du Nord, c'était, si on veut, Ace Attorney rencontre Final Fantasy VI. C'était hilarant, c'était... C'est quand c'est légèrement en retard, l'attente en valait un petit peu la peine pour que les performances des acteurs soient à la hauteur. OK. Bien de l'entendre. Fait qu'on a une très bonne critique en ce moment. Deux critiques avec Tester Alpha. On est du côté de Marilune. Toi, de ton côté, comment t'as apprécié ton événement? J'ai beaucoup aimé ça. Je trouve ça super relax. C'est sûr que moi, je suis allée plus vers le côté créatif, OK? Fait que j'ai passé beaucoup de temps. OK. Ah, ça, c'est génial. Pour ceux qui... Marie, tu veux-tu nous expliquer? Parce que on est un podcast audio quand même, alors... Les gens veulent voir un peu, il faut que tu leur décrives un peu ce que tu as fait. J'ai fabriqué une grenouille Mario en pixel art, qui est à peu près grosse, comme ma main, mettons. Puis là, présentement, elle n'a pas d'aimant. Il va y avoir une aimant quelque part en arrière, puis elle s'en va sur mon frigo avec les 2-3 autres affaires de pixel art que j'ai achetées là-bas. Donc, c'est ça, je vais comme virer complètement amoureuse du pixel art. Je sais pas si je vais m'acheter le matériel pour en faire moi-même, mais sérieusement, j'ai capoté là-dessus, là. Ça a l'air que c'est plus difficile à obtenir, selon ce que Guiz disait. Il fallait que tu fasses commander ça aux États-Unis, parce que ici au Québec, c'est seulement des grosses poches multicouleurs. Ouais, puis ça, c'est cher pour rien, puis ça se retrouve quasiment jamais pas à Montréal, là, fait que... Ben, je peux te dire qu'il va en avoir l'an prochain, ça c'est pas mal certain. Là. Comme je disais, j'ai parlé à Guiz aujourd'hui, j'ai dit, t'as d'en faire d'autres? Dit, ouais. Et on va en commander plus, hein, des beads? Fait, ouais. Merci, il n'y avait plus de noir ni de blanc à un moment donné. Ouais, mais ça c'est. Résultat, c'est le fun. Ouais. Est-ce que Guiz me disait que ça a forcé les gens à être créatifs? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais le magasin qui avait des pixel art, il y avait des très beaux stocks, surtout les Megaman. Je regardais, j'étais comme, ah, oh, ils sont beaux. Il y avait un Megaman X en pixel art. C'est Bobby Jean qui faisait ça. C'est, je pense qu'il était avec, si je me rappelle bien, avec Patrick Pilon, qui était dans l'équipe originale du GeekFest. Vraiment talentueux. Je vais aller chercher ce que j'ai acheté, ça vaut juste trop la peine. Les gars, vous l'avez vu, mais Retro, non, on l'a pas vu. Mais ça vaut la peine. Ça, je peux le faire. Ouais. On va le montrer à tout le monde en même temps. Ouais, c'est ça pour ceux qui nous regardent en vidéo. Sinon, ben, on va essayer de vous les décrire, de vous le décrire durant en audio. Sinon, c'est ça. J'ai pensé en acheter un pour Retro Gamer pour la prochaine fois quand je le vois au Comic Con. Je voulais lui donner un Megaman parce que je sais que c'est un gars qui trippe Megaman. Il a juste à venir l'acheter l'an prochain. Ouais, mais ouais, je pense que le gars il est là au Comic-Con aussi. Bon. Alors Marie, qu'est-ce que tu nous montres en ce moment pour ceux qui nous écoutent en audio? En fait, j'ai acheté un pot de fleurs, ça a l'air niaiseux de même, là, mais un pot de fleurs Mario en pixel art. Puis je sais pas si vous pouvez pas le voir, peut-être pas là, mais le fond c'est de plasticine. Fait qu'ici dans de la plasticine. Sérieux? Ouais, sérieux, là, vous allez le voir souvent en arrière de moi dans les futures vidéos parce que j'aime trop ça, je trouve ça trop cool. Ouais. J'en veux! 15$, mais un bon 15$, bien investi. 15$ bien investi. Effectivement. Sinon, je vais y aller de mon côté. Bon, moi, j'ai couru énormément de la journée du GeekFest parce que, veux pas, c'était moi qui avais la caméra principale. Alors, je voulais tout filmer. Afin qu'au moins on puisse produire des reportages pour faire la promotion du GeekFest. Et j'ai quand même eu le temps d'arrêter à quelques stands. J'ai eu le temps de regarder la conférence sur le steampunk. Je connais pas cette association-là, JP. T'es connais-tu ça? Ben oui, je veux dire, Steampunk Montréal sont là quoi, depuis 2 ans. Daniel Proulx, il est dans le portrait depuis 1 an et demi. Alexandre Adam, lui, je le connais. Depuis 10 ans, on a fait partie d'un club de Star Trek par courriel à l'époque. On s'est recroisé dans un grandeur nature, puis là on se recroise dans les conventions. Mais, Steampunk Montréal. C'était très intéressant, leur convention, ils nous expliquaient un petit peu c'est quoi le steampunk, puis qu'est-ce qu'ils avaient fait. Puis lorsqu'on arrêtait à leur stand, en plus, ils nous expliquaient comment ils avaient préparé leur stock, puis... c'était vraiment cool. On a gardé un petit peu quelques images de ce qu'ils ont fait. Juste la clé USB, j'ai envie d'en faire une parce qu'il l'a expliqué. Ouais. C'était tellement simple que j'ai envie de faire une clé en steampunk. Ben, je pense que c'est un peu le but aussi. Là. C'est vraiment d'inspirer les gens à réaliser que steampunk, c'est... Moi, ce qui me faisait, c'est pas nécessairement hors de prix. Il faut juste pas avoir peur de gosser. Là. Tout à fait. Sinon, j'ai eu le temps de regarder ton débat sur les plateformes mobiles. J'étais là au début, j'ai pris quelques images. J'ai pas pu rester longtemps, mais j'ai eu le temps de voir ça. J'ai eu le temps de voir. C'était violent, il y avait des petits bouts de violent, là, mais pas trop de sang. Ouais, mais c'est parce que t'avais pas encore Retro Gamer. Retro Gamer aurait été là, il aurait dit Android à fond la tonne. L'an prochain, je remplace Renault par. Je veux juste que Retro sache, si moi j'avais été là, je l'aurais tout tenté. Est-ce qu'on peut avoir un peu. Et puis sans fort. Je m'excuse, Retro. Voici, Tastor, je t'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur ce qui s'est passé? Parce que je vais laisser Benoît. Ah, mais moi, j'ai rien qu'à citer au début pour ce qui est du... T'as regardé la vidéo? Hein, mais j'ai regardé rapidement, là, j'ai pas pu voir. Rapidement. Mais rapidement, ouais, parce que j'ai quand même... J'ai 2h30 de stock, hein, fait que... Non, sinon, ben, regarde, je vais y aller dans ce cas. Je te laisse y aller, oui. Comment dire, c'était très une conversation très candid, que je dirais en anglais, très, très familière, dans le sens que je pense que pas mal tous les partis se donnaient des petites pointes, puis se connaissaient, tu sais, c'est du monde qui se connaissait, ça paraissait, puis c'est ce que je recherchais en quelque part. C'était pas un débat semi-sérieux que je voulais, tu sais, je voulais pas... Mm-hmm. Il y a juste Renaud qui était passionné... Et ça, comme j'aime le dire, c'est Renault. mais ça faisait plaisir juste de voir Fred Harper. Maintenant confortable dans sa position chez Microsoft, là, on voyait qu'il fait bien sa job d'évangéliste. Là. moi, je payais le gars qui était sur BlackBerry parce que j'avais envie juste d'y montrer, garde le mien. Ouais. Mais en même temps, Benoît, je pense qu'il a quand même bien tenu son bout. Puis, parce que je pense que c'était le seul qui n'était pas nécessairement super passionné de la plateforme. Il était prêt à la défendre. Mais en même temps, lui, il était plus ouvert aux autres plateformes que les autres. D'ailleurs, tant qu'à parler des autres, j'ai remercié quand même Alex Cornelly de l'équipe de Mac Québec qui ont rendu le livecast possible. Je sais pas s'il nous écoute, là, mais... Ah non, je vais y envoyer une plug pour lui dire que je l'ai plugué. Ok, c'est bon. non, c'est ça, parce que le débat était livecast, tout comme leur podcast l'était. Parce qu'il y avait des jolies clés 3G fournies par Rogers. Oh! Fait que... On sait jamais, peut-être nous autres aussi l'année prochaine. Wow, Mais j'avais soumis l'idée, hein? J'avais soumis l'idée à ton chum Olivier, comme quoi que j'aimerais ça que l'année prochaine, dès qu'on a une opportunité, là, qu'on fasse le marathon des podcasts. Ouais. Moi, je pense que cette année, c'était pas tout à fait bon parce qu'on manquait un petit peu de temps de préparation. Mm-hmm. Mais l'année, ben là, je pense que vous êtes. Il y a quand même une bonne concentration de podcasteurs là, dans l'assistance. Tu as sûrement pu parler justement à Alex Cornelier, ouais. Sa gang. Tu as parlé à Andrew de Puissance Maximale. Ouais. Vous êtes quand même minglé un peu. Fait que là, je pense que ça va déjà être plus facile d'organiser quelque chose de la sorte l'année prochaine. Peut-être. Sinon, passons rapidement. J'étais au Giz à sa conférence. Et je sais qu'il y a une petite polémique. Mais tu sais, que j'ai parti à cause de ma mésentente avec Benzaï, mais j'ai jasé avec Giz, tout va bien avec Giz. Ah, quoi? J'ai même pas entendu. C'est quoi, de qu'est-ce que Faire une histoire longue, faire une histoire courte rapidement. J'ai donné mon nom pour Machinima, puis Benzaï m'a retourné de bord sans aucun. Ah, ok, oui, non, je comprends, oui, c'est bon. Fait que juste pour dire que c'est. J'ai jasé avec Giz, j'ai juste voulu clarifier des choses avec lui. Tout est correct là-dessus, sur ce côté-là. Moi puis lui, on est super correct. Mais je suis quand même désabonné à la chaîne de Benzaï. C'est la seule chose que je peux vous dire. sinon, à part ça, j'ai rencontré Ghostbusters vraiment, de Montréal. Ouais. Ils sont vraiment gentils. Ils ont fait une collecte de fonds en même temps pour être d'enfants. Ouais. Ils ont remboursé, je pense, 46$. Ah, c'est mieux que rien. C'est sûr. Vous avez mangé des Twinkies? Non. Si, je voulais en acheter un. Oui. Mais je me suis fait inspecter, savoir si j'avais un fantôme sur moi. Mais étrangement, je l'ai filmé, puis étrangement, c'était les accros d'autre bord de caméra qui avaient un fantôme. Ah. C'est pas moi, c'était Trinity. Ben, c'est. Ouais, c'était Trinity, la caméra woman. Mais je suis sûr que c'est les gens d'autre bord de la caméra qui avaient quelque chose. Mais on l'a attrapé! On a attrapé le fantôme. Tu vas y voir ça. Ouais, mais il a mal fait sa job parce que je l'ai vu, pis c'est pas un méthode normale. Non, non, là-dessus, là, je suis très critique. Parce que Ghostbusters, pour moi, c'est un film culte. Et oui. Et il avait pas utilisé son Proton Pack pour le sortir. Alors, non. Il a juste sorti son piège. Comme quelqu'un m'a fait remarquer, d'avoir les Ghostbusters dans l'hôtel, ça le sentait plus en confiance. Quand on voit son premier film, la première capture de fantômes, ça faisait dans un hôtel. Oui, le lien, sûr. Là. Il avait pas peur pour les rénovations. Non, mais ça. On est assuré pour ça. Mais je pense à ça. On les entendait quand ils passaient dans les salles, hein? Juste quand le téléphone partait. Parce qu'ils mettaient toujours une toune de Ghostbusters, tu sais, de la soundtrack, là. Fait qu'on savait que c'était eux autres, là. Quand le téléphone sonnait, c'était vraiment drôle, là. Pas des paroles. C'est drôle. Sinon, j'ai passé rapidement dans la salle de gros joueurs. C'était vraiment cool, de la manière que c'était fait. J'aurais aimé ça, à vraiment prendre du temps et aller jouer, comme disait PL, au jeu qu'il avait présenté. Alors, j'ai pas eu la chance non plus. J'aurais vraiment aimé ça, sérieusement. Là. As-tu vu leur Fruit Ninja sur la TI-80? Non. Tu sais, les calculatrices graphiques, là. Ouais. Ils ont programmé une version de Fruit Ninja pour la calculatrice graphique. Parce qu'en glissant tes doigts sur les chiffres, là, sur le pavé numérique, ça imitait comme ton mouvement de doigt sur l'écran. Fait que genre, si t'appelais 7, 8, 9, ça faisait comme une espèce d'angle. En tout cas, c'était vraiment drôle, là. C'est sûr qu'on peut pas négliger non plus la fameuse manette géante de Nintendo. Oui, ça, j'en veux une, mais j'ai vu qu'il y avait... Sur Internet, je vois des tables à café de manette de Nintendo. Ouais. J'aimerais tellement ça, mais je pense que Marie va tellement me regarder avec des yeux croches quand je vais rentrer ça à la maison, là. Ben, en fait, c'est ce que je peux savoir, je ne suis pas un expert en électronique, mais l'électronique n'est pas si compliqué non. que ça. Non, les manettes de Nintendo, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ça. Fait qu'il faut juste que tu sois assez handyman pour le faire. J'aimerais assez ça. J'aurais de la classe. Je vais regarder le monde qui a des arcade sticks pour des jeux de combat. J'ai une table à café Nintendo. Tu parles de... Deux secondes. Je vais juste te sortir, tu parles de gros sarcastique là, tu sais. Regarde là. Ça c'est mon joystick ouais. là. Alors en ce moment ils nous montrent des sarcastiques pour jouer à des jeux de simulation de vol. Ouais. Et toi, il y a moi qui a un gros bâton là. Ah. Mais non, okay. C'est toi qui a le plus gros bâton. Excusez-moi là. Pour ceux qui savent pas, on s'est fait un petit tournoi à la fin de soirée ici et on s'est fait un tournoi entre les accros pour savoir qui était le meilleur à Mario Kart 64. Et ça finit en finale, moi contre Beta. Si j'avais été là. Parlant de compétition de jeux vidéo, vous avez manqué. Parce que vous avez manqué le meilleur bout du GeekFest. Yeah. Parce que, à mon humble avis. Le show de musique de mon ami Mustapha et de notre ami Giz, avec leur groupe de musique Murphy's Law, qui ont joué plein de tunes geek. Je pense ici évidemment à la tune de Portal, des tunes de Doctor Who, des tunes qui venaient de Scott Pilgrim, dont le... Mais c'était vraiment génial, ça a mis une ambiance d'enfer. Et il y avait gros joueurs qui se sont déplacés pas loin de la scène pour faire un triathlon de gaming. Un peu comme dans The Wizard. Parce que tu devais faire un tour de piste dans Mario 64. Ensuite, tu devais passer le premier niveau de Ninja Gaiden. Ensuite, faire 10 kills dans Halo. Et ensuite, comme je sais pas si c'était un peu bonus, je sais pas si ça comptait pour de vrai. Fallait que tu tires avec un petit gun, tu sais, le petit gun à sus, là, sur la target. Puis là, il t'aimait. Fait que, okay. ça a vraiment mis de l'ambiance. Si ça arrive l'année prochaine, c'est notre personne officielle, ça va être testeur, pas testeur alpha, ça va être Gamer PQ qui va s'en occuper. Oh ouais, mais ça je peux. Okay. La plupart des grosses patentes, je peux vous dire qu'ils vont revenir l'année prochaine. Mais honnêtement, gros joueurs ont été vraiment fantastiques là. Ok. On pouvait pas espérer mieux. Sinon, rapidement, qu'est-ce que j'ai fait rapidement? La salle, je l'ai bien aimé, la salle de vente. Ouais. Oui, il manquait quelques tables, c'est correct. C'est la première année, fait que c'est correct. L'autre chose que j'aurais peut-être ajouté, puis c'était une de mes critiques que j'avais faites la dernière année, la cantine. Je veux une petite cantine la prochaine année. Ça, je peux t'expliquer, c'est la chose étant que... c'est sûr qu'on prend ça en considération, mais en même temps, quand on pogne un endroit, l'affaire, c'est que l'hôtel ne nous permet pas de vendre de nourriture. Ah, OK. À cause de l'exclusivité avec le restaurant de l'hôtel. Ah, c'est dommage. Mais on va quand même garder ça en tête, c'est sûr. Je veux dire, au moins, regarde, l'hôtel a été assez smart pour nous laisser avoir un permis d'alcool en soirée. Ouais. Pour vendre notre propre bière. Ce qui ne fait pas avec tout le monde. Donc, je veux dire, on a quand même fait des petits efforts, c'est sûr que toujours mieux, mais c'est clair qu'on prend toujours ça en considération. Je prends un exemple, l'idée du vestiaire. Ouais. C'était cool le vestiaire. La manière que vous l'avez fait, là, c'était plus raisonnable que bien des vestiaires que j'ai vus dans ma vie. Ouais. La chose étant qu'il y a une personne sur Facebook qui a dit: est-ce qu'il va y avoir un vestiaire? Nous autres, en comité, on s'est tout à regarder. Hoche, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on a arrangé le vestiaire. Je savais que l'hôtel avait des racks avec des avec des cintres. Puis Alex, mon collègue, a été chercher des tickets, des code check, d'étiquettes de code check. Puis, let's go! Tu sais, ça a été... Mais c'était cool que la manière vous l'avez fait, qu'on mettait juste une pièce pour la journée complète. Je connais bien des vestiaires qui nous auraient chargé à chaque fois qu'on aurait été enlevé notre manteau et leur mettre. Ouais, c'est sûr parce que c'est nous qui le géraient aussi. Ouais. C'est sûr que si on va à Place Bonaventure ou si on va à d'autres places, malheureusement, si le coach check coûte 2-3 pièces, malheureusement, on peut pas y aller. Non, c'est sûr. Je vais aller du côté de Retro Gamer PQ. J'étais pas là! Je sais que t'étais pas là, mais je veux savoir. On veut savoir. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on te dit, là? Ben oui, mais je l'ai dit tantôt que j'allais y aller. C'est pas grave, ça. C'est pas grave, on veut savoir. Qu'est-ce qui te tente d'y aller? Je vais y aller! Mais pourquoi? Mais parce que ça a l'air de fun! Ah! Ok. C'est quoi cette question? Fait que tu vas tenir ta table l'année prochaine à côté de Pastor Alpha? Non, mais je vais me tenir à la table des accros. Ah, ben oui. Oh. Vous avez une table l'année prochaine? Je vous mets tout de suite deux tables? Tu nous réserves une table pour les accros et une table pour Pastor Alpha, sûrement. Aussi, c'est bon, capable de s'arranger un petit deal là, pour avoir une table plus grande, là. On va essayer de voir ce que je peux faire. Ça va dépendre, là. Ça va dépendre de la nouvelle maison que je trouve au Geekfest. Hmm. Oui, ça va dépendre. T'as-tu des idées pour l'année prochaine? Qu'est-ce que t'aimerais aller? J'ai des idées, mais je préfère me tenir mort là-dessus. D'accord. C'est une question de faire mon agace. Là. Bon. On va regarder sur YouTube et sur Twitter. Est-ce qu'on a des questions par rapport au Geekfest? Est-ce que des gens veulent avoir des nouvelles ou quoi que ce soit? Pas en tout. J'ai oublié sur Twitter. Mais rien, pas en tout. Moi, j'en ai quelques-unes. Ce sera pas long, je fais le tour. Il y a Monsieur Touf Touf, que j'aime autant toujours son nick. Il est vraiment hot. Moi, je l'imagine tellement comme Touf Touf et pas lueur. Avec une grosse touffe de cheveux de couleur. Une question pour Monsieur Alpha. Ouais, ah bon? Combien de fans est-ce qu'il a rencontré au Geekfest? Environ. Oh boy. Écoute. Fans, ça dépend à quel point, là. Il y a des gens qui sont venus, qui me connaissaient déjà, mais qui sont, tu sais, ils sont pas venus uniquement pour me voir, là. En fait, ils savaient même pas que j'étais là, Eux autres, ils allaient au Geekfest, puis là, ils m'ont vu, puis « Ah, Tester Alpha, il est là, ah, t'es cool, toi, hey, on peut savoir une photo? » Ça, il y en a eu 3-4. Sinon, les gens me connaissaient pas, fait que... Mais c'est correct, parce que... T'étais là pour te vendre. Ben oui, on était là pour se faire connaître, c'était la première fois, puis veux pas, on est encore des petits nouveaux, fait que, bon, c'est normal, on nous connaissait pas énormément. Ben, regarde, grâce à toi au Geekfest, moi je te connais maintenant. Avant ça, je te connaissais pas, là. Ben voilà. C'est quand, un quand, quand tu nous as approché, j'étais voir tes vidéos. Je fais, ah, c'est qui ce bonhomme-là, là? Je vais voir ses vidéos. Fais, ah, ben, un autre prometteur au Québec, là, dans le monde du podcast. Moi, là, j'ai vraiment constitué une équipe de malades. Ils sont tous bons. C'est aussi simple que ça. Et passionné, oui. Et passionné. Tout à fait. Donc, question, Marie? J'ai des commentaires de Aude Gauvin et de Giz aussi qui adorent les pixel art, qui veulent en faire eux autres aussi. Enfin, je pense que j'ai donné la piqûre à des gens, tant mieux. Nice. Ouais. J'ai aussi Giz aussi qui demande, à part le Geekfest et le Comic-Con, est-ce qu'il y a d'autres conventions que vous souhaitez, où vous souhaitez aller? Peut-être l'Otakuton. Mais j'ai des mauvaises expériences, surtout du dernier Otakuton. C'est vrai. Si tu me permets de faire une petite suggestion, mon vas-y, ami Ben. Je pense que tu le sais, moi, j'ai pas peur d'aller en Ontario de temps en temps. Là. Ouais. Il y a deux conventions qui retiennent mon attention là-bas. En fait, peut-être trois. Mais comme économiste d'Ottawa. Ok, 4. Ottawa, ça compte pas, je suis sur le staff. Ah, ben ça se peut que j'y aille, hein? Ah, c'est correct. Ça se peut. Je vais être encore dans l'équipe qui s'occupe des invités cette année, donc avec les grosses vedettes. Avec Michael Dorn. Non, Michael, il n'est pas là. Non, Michael Dorn, c'est ma première année. Michael Dorn, c'est ma première année à Montréal. Puis mon année à Ottawa Comic Con puis à Montreal Comic Con, c'est avec John Delancey. Ok. Aussi connu sous le nom de Q. Ou de Discord dans My Little Pony. Je suis sûr. En passant, je suis sûr que Retro Gamer PQ aimerait avoir un petit aide afin que il puisse devenir un assistant comme toi. Parce que c'est un gros tripus Star Trek lui aussi là. Ah. J'ai déjà été, mais beaucoup moins que Transformers, etc. Ah, c'est sûr. Ouais. Mais non, c'est ça. Comme je l'ai dit. Moi, une de mes conventions, en fait, j'étais l'année passée, c'était ma première année là-bas, Con Bravo. Ok. Eux, ils ont commencé comme convention animée, mais ils s'en vont tranquillement vers tout ce qui est plus vraiment plus geek, plus culture web. Juste pour te donner une idée, l'année passée, leurs invités étaient, t'avais Angry Video Game Nerd, et t'avais en même temps, That Guy with the Glasses. Wow! C'est ça. Avec Zagar de Glacis était là avec toute son équipe. C'est gros, hein? C'était énorme. Et j'étais au premier rang quand ils ont fait leur panel ensemble, Angry Video Game Nerd et Zagar de Glacis. Ils étaient sur le même panel en même temps. Ils ont fait une bataille de Timbits. Ils se sont courus après. Puis moi, j'ai relancé un Timbit à Doug Walker. Là, il m'a regardé avec des gros yeux. Puis, en tout cas, c'était juste vraiment drôle. Ouais, excuse-moi. C'est bien que c'est la rencontre entre une supernova et un black hole, là. Tu sais, ah ouais. On s'entend, c'est la rencontre du awesomeness. C'est sûr. Ben, regarde, personnellement, c'est dans ce genre de direction-là que j'aimerais amener le Geekfest. Donc, moi, je vais continuer mes efforts dans ce sens-là, puis j'ai l'intention d'y aller cette année, si mon boss me le permet. Moi, si tu veux, je peux m'occuper de lancer des Timbits. Je suis sûr que je vais être bon là. C'est bon, ça. Sinon, on se lancera des Timbits l'année prochaine, Tester. Ah, ça va être aussi awesome okay. Que le nerd. Ouais, mais vous êtes pas encore au niveau, parce que c'est quelqu'un d'autre qui va les ramasser pour vous. Ah! C'était pas, hein? On a une petite base de fans, hein? L'espère de bord! Je vais payer du monde pour qu'il ramasse, ça paraîtra pas. Moins de manger. Ouais, mais Tester, lui, va être. Tester, il y a Beta qui va s'occuper de ça, fait que. Ouais, bonne idée! Bonne idée! Sinon, il y a la. En Ontario, il y avait une. Convention qui s'appelait Polaris, qui était une convention de science-fiction un peu généraliste, qui ont décidé de se réinventer cette année. Ils vont faire, pour le 50e anniversaire de Doctor Who, ils vont faire une convention spéciale en novembre qui s'appelle Regeneration, où ce sera une convention juste à propos de Doctor Who. Et ils vont voir Peter Davidson, le 5e docteur, comme invité. Excusez-moi. C'est tellement de séries que je suis en train de découvrir en ce moment là, puis je suis comme, je suis tellement flabbergasté à chaque fois que j'écoute un épisode là, que ouais. Je suis comme, ah, j'aimerais tellement s'en rencontrer un là. T'as-tu vu des vieux épisodes de Doctor Who? Oui, grâce à Netflix. Ouais. J'ai vraiment été content de l'écouter, puis j'ai hâte de voir les épisodes qui vont sortir en version animée, les versions des épisodes disparus. Ouais, des fameux épisodes disparus parce que. Apparemment, récupérer des tapes et les effacer, c'était beaucoup moins compliqué que d'en acheter des nouveaux. Ouais, mais c'est à cause de ça que les Capitaines Bonhommes n'existent plus. Ah, oh, je sais. Oh. Mais sinon, on parle de ça, l'autre convention que je tente de ne jamais manquer. Peut-être que je n'ai jamais manqué depuis son inception. FutureCon, qui est le party du nouvel an pour les geeks. Ouais, J'en parle en tour de bras à chaque année, on s'entend? T'en parles à tour de bras, puis je vois tout le temps à chaque année ton lendemain de veille difficile. ceux qui connaissent JP, qui l'ont sur son Facebook, voient souvent les photos du lendemain de veille où il a l'air d'un gars d'avoir mangé un coup de 2x4 dans pleine face. Ma photo préférée, c'est ce que j'ai l'air vraiment magané. Je suis dans ma robe de chambre de Starfleet, puis je pense que j'ai un bol de céréales dans la main, c'est comme... Non, mais si vous avez jamais vu un Klingon sous, c'est l'occasion. non, mais sérieux, c'est autant que quand Bravo me donne ma base pour faire le Geekfest au niveau de ce qui est activité puis de ce qui est invité, si un jour je me rends là. FutureCon me donne l'inspiration au niveau communauté, parce que FutureCon, c'est une petite convention de gens qui sont vraiment tissés serrés, puis on sent vraiment le sens de la communauté dans cette gang-là. Puis ils sont super faciles à aborder, c'est du monde. Mais c'est une convention parce que c'est vraiment easy going, il n'y a pas de stress. Okay. Moi, je vais là, je loue une suite dans l'hôtel, puis je te fais un party de la mort qui tue. Ah, mon foie est mort. Plusieurs fois. Mais il s'est régénéré. Ok, je vais essayer de te découper la tête, voir si t'es capable de te régénérer. Non, c'est juste mon foie là, qui, ah, okay. Qui est comme le... C'est mon foie qui est comme un Time Lord. Mais non, c'est ça. FutureCon m'a vraiment inspiré au niveau communauté. Party, okay. Communauté. C'est ce qui m'a vraiment donné le kick de faire le party de fin de soirée. C'est vrai, pardon, du party de fin de soirée, j'ai oublié de plugger la gang de Skin Jackin qui était là, qui était venu faire des tatouages marqueurs, qui était vraiment écœurant. Marie aurait aimé ça. Ils m'ont dessiné, là, évidemment, j'ai pris une douche, donc il est disparu, mais il m'avait dessiné un Megaman qui avait un gros bobo sur le genou, c'est marqué Megamal. Tu vas voir ça sur mon Facebook, au pire tu veux prendre la photo puis mettre ça sur le tweet des accros, t'en faire plaisir. Marie, est-ce qu'on a d'autres questions? On en a plein! On a un commentaire de, excusez-moi ma voix, de DJ55 qui dit que Big Ben mérite vraiment sa place à Machinima. Ben, merci beaucoup. Merci, j'aimerais... Ça me touche beaucoup. Hey, Rétro, qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es en train de faire du ménage? Il est en train de déménager, je pense. Je check mon stock de gaming. Merci, TJS, pour ce commentaire-là. J'aimerais ça avec ta Machinima. Peut-être un jour, je sais pas. Attends, mec, Giz, pareil, fait que on sait pas. Sinon, il y a encore Monsieur Toutouf qui demande si on veut faire des conventions en France. Et tabarnak, ça va coûter cher. Il va beau le budget. Payez-leur le billet d'avion. Déjà qu'on a de la misère à avoir du monde d'Europe pour les conventions ici, j'ai de la misère à imaginer que des Français vont vouloir nous inviter. Ben, regarde, je pense à mon ami Luc Biron, le président de J-Animé, qui a fait venir Franck Petitot, la star de... l'émission... c'est comme je l'oublie là. Je peux pas t'aider pour ce qui est de la France. Non, l'émission médiévale, les petites capsules médiévales. Ah, Kaamelott. Kaamelott, c'est ça. Acteur, je pense que je jouais Lancelot dans Kaamelott. Ouais. Il est venu à J-Animé, donc... oui, il y a quelques stars de la France qui s'en viennent, là, de temps en temps, si on veut bien les inviter. C'est ça, il faut vraiment vouloir les inviter. Moi, je sais que j'aimerais un moment donné voir nos bicettes, nous.tv, Marie et moi, on triperait de les voir. Autant qu'un joueur du grenier, je pense que... la gang des accros serait malade comme un... serait fou comme de la marde, finalement, de le rencontrer. Ouais. Surtout mais honnêtement, ce serait... j'ai encore plugué, tu sais, je veux dire, venez au Geekfest, demandez-nous là, puis à un moment donné, on va l'avoir, je veux dire, on va... On est à l'écoute. En plus, lors du Geekfest, en plus. C'est ça, mais tu sais, on est à l'écoute de notre monde, là. Comme je donnais l'exemple du vestiaire, où c'est parti d'un commentaire, on fait comme « Oups! Ah ben, on va arranger ça! » Ça prend pas grand-chose pour qu'on vous écoute. Là. Non, j'avoue. Donc, question, Marie? Encore Monsieur Touf-Touf, encore pour Monsieur Alpha. Il est populaire. Il voulait savoir si sa vente de t-shirts avait été bonne, finalement, à la convention. Ben, on en a vendu quelques-uns, là, ça se compte sur une main, mais c'est parce que les gens ne nous connaissaient pas, donc on peut s'attendre à ce que les gens nous achètent des t-shirts, ils nous connaissent pas. C'était pas l'objectif premier de vendre des t-shirts, c'est juste que, bon, on en a vendu quelques-uns, tant mieux, mais l'étape, c'était surtout de... le but, c'était surtout de se faire connaître. Puis bon, peut-être un jour, quand on sera big, ben là... ça va marcher. Mais... de toute façon, il y a d'autres conventions qui s'en viennent aussi, si jamais vous voulez vous procurer des t-shirts. Et ben, je vais même regarde, ces t-shirts-là vont être vintage à un moment donné, là. Ben oui, ils sont pas perdus, je les ai encore, puis c'est ça. Un moment donné, ça va être une pièce de collection. Comme les t-shirts des actes. C'est comme, regarde, t'as même juste mon... tu sais, ce t-shirt-là, là. Édition 2010, là. J'en ai un, moi et tout. Ça, c'est la première année, là. Du Geekfest que tout le monde semble avoir oublié qu'elle existait, là. Ouais. Nice. Fait que... D'autres questions, Marie? De mon côté, c'est très beau jusqu'à maintenant, là. C'est... il y en avait une autre, mais elle a été supprimée pendant que... OK. Et sur Twitter, PL, qu'est-ce que ça a de l'air? Y a rien. C'est très tranquille, hein? Tout le monde est allé écouter Monsieur Net. Vous êtes bien poche. Ben non, c'est pas grave. Je vous aime pareil. On vous aime. On le sait, vous nous téléchargez sur iTunes pareil. Alors, merci beaucoup la gang de nous écouter. De toute façon, ça va être bientôt la fin d'ici là. Ça fait quand même une bonne heure qu'on jase, surtout du Geekfest. Fait qu'en résumé, qu'est-ce que tu as à dire, JP, sur cette année? Ben écoute, un franc succès. Juste des bons commentaires. On revient l'année prochaine. Yeah. Un dernier mot, tout le monde? Avez-vous quelque chose à dire avant qu'on fasse notre conclusion? On va être là l'année prochaine! Yeah! Youhou! On va faire... je peux parler rapidement peut-être de la petite rencontre qu'on a faite. Vous allez voir des vidéos prochainement d'un fameux tournoi de Mario Kart 64 qui a lieu ici, au quartier général des accros. Alors, ça a été vraiment génial. Et probablement que si au prochain Geekfest, on va peut-être leur refaire une soirée demain. Puis si vous êtes présent à Montréal, vous descendez, venez nous voir, ben peut-être qu'on va vous inviter. On ne sait pas. Peut-être que vous allez faire ça au Geekfest. Ah, peut-être, hein? Ça serait... écologie! Oh oui! Alors, c'est sûr que vous allez voir des prochaines vidéos prochainement là-dessus. Sinon, à part ça, restez sur le site des accros pour les prochaines nouveautés. Alors, JP, comment on peut te rejoindre sur les internets si les gens veulent te connaître? @JP Cardin sur Twitter. je cherchais sur Google Plus Jean-Philippe Cardin, je cherchais la grosse face de Klingon, je suis vraiment difficile à manquer. T'es pas mal l'unique Klingon au Québec. Ouais, je suis le Klingon, Klingon québécois. Le Klingon franco-québécois canadien venant de l'espace. Non, on n'a pas dit Bob Gratton, Klingon, non, c'est, là. Sinon, à part de ça, ben, toujours un courriel, jp.cardin@geekfestmtl.com. J'essaie de répondre quand que je peux. Sinon, dites-moi salut si vous voyez dans la rue, je sais pas. Mais c'est pas mal ça. Antithèse, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre dans mes courriels qui est antythse@soityahoo.ca ou gmail.com. On peut également me suivre sur Twitter sur antithèse16, S-A-Y-S. La meilleure façon de me rejoindre demeure sur le forum des accros sur accrosdesjeux.com. Rétro Gamer, comment on peut te rejoindre sur les internets? Sur le site des accrosdesjeux.com, sur ma page Facebook et sur mon channel YouTube. Tester Alpha, comment on peut te rejoindre, toi et ton copain joueur bêta? Tapez Tester Alpha soit dans Google, soit dans YouTube, soit dans Twitter, vous devriez me trouver. Et bien sûr, je fais mon tour quotidiennement sur Accro des Jeux, alors venez nous parler. Marie-Lune, comment on peut te rejoindre sur Internet? On peut me rejoindre via Twitter à Terrien Marie-Ève. On peut me rejoindre sur Facebook. J'ai ma propre page maintenant. Sur le forum d'Accro des Jeux, on peut me rejoindre sur le Facebook d'Accro des Jeux. On peut me rejoindre via vlog de Marie-Lune à commercial@gmail.com. Et pour me rejoindre, je contrôle la plupart des comptes officiels des Accro des Jeux. Alors, sur Twitter, Accro des Jeux. Sur Facebook, Accro des Jeux, la plupart des accros ici en bas ont accès. Alors, lorsque vous venez jaser sur la page Facebook, ben on le voit. Sinon, à part ça, vous pouvez m'envoyer un courriel via accrosdesjeux@gmail.com et les amendes Facebook personnelles des gens que je ne connais pas, je les refuse. Et oui, la jolie madame de 18 ans russe qui est d'Akoshon, je te prends pas. Je te trouve pas. Vous avez mis derrière cette disante et pulpeuse demoiselle, hein, on sait jamais. Ah, c'est ça, selon moi, ça doit être un petit vieux 65 ans qui était. Mets-toi tenu. C'est comme, non. Non. S'il vous plaît, pas d'images bizarres dans ma tête ce soir, merci. Ça fait plaisir. Vous là, c'est correct. Alors, c'était le podcast des accros spécial Geekfest 2013. Merci beaucoup de nous avoir suivis, les accros. On se dit à la prochaine. Bye. Bye-bye.